22-22. Activation orale. Conjugaison d'un verbe réfléchi au passé composé. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Vous allez voir. Robert et Mireille vont se rencontrer. Et vous dites. Ça y est. Ils se sont rencontrés. Allons-y. 2. Vous allez voir. Elle va s'arrêter devant un tableau d'affichage. Ça y est, elle s'est arrêtée devant le tableau d'affichage. 3. Allez voir, Robert va s'approcher. Ça y est, il s'est approché. 4. Ils vont se sourire. Ça y est, ils se sont souri. 5. Ils vont se décider à parler. Ça y est, ils se sont décidés à parler. 6. Vous allez voir, ils vont se parler. Ça y est, ils se sont parlés.